franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, nous rejoignons Jean-Marc qui nous emmène faire un tour dans le Loiret. Oui, bonjour Margaret, bonjour docteur. Bonjour Jean-Marc de Montargis. Figure-toi Marga que c'est à Montargis que furent tournées certaines scènes du film Les Visiteurs. Oh oui, avec tes deux acteurs fétiches, Christian Clavier et surtout ton Jean Reno. Ah, c'est pas vrai. Et quand ils voyagent dans le temps, au moment où ils arrivent dans une forêt, eh bien, oui. Il s'agit de la forêt de Montargis. Ah d'accord, oh ça c'est super, mon Jean, je l'appelle mon Jean. Bon, bah, oui, c'est sûr que dès qu'il passe à la télé, il n'y a plus personne, hein. Je peux aller me rhabiller. Mais oui, il est un petit peu jaloux Philippe. Eh bien moi, désolée, mon Jean Reno, c'est mon Jean Reno, il me fait rêver, il me transporte, et les Américains ne s'y sont pas trompés, ils nous l'ont volé, ils en sont fanas. Eh oui, Jean Reno aux États-Unis, encore un bel exemple de ce que l'on appelle la fuite des cerveaux. Oui, c'est toujours mieux qu'un cerveau qui fuit. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui vous amène? Voilà. Mon père est atteint d'une tumeur au cerveau. Ah là là, carrément, ouais. Alors, vous êtes très proche avec votre papa. Est-ce qu'il est comme un père pour vous? Bah oui. Votre père a quel âge aujourd'hui? Il a 87 ans. Ah oui, d'accord. Comment ? Oui, non, ça va. Je veux dire, il a eu une belle vie, pleine d'aventures, sûrement. Oui, bah, ouais, vous savez, il était mineur de fond. Ah oui, je crois que c'est très dur, ça, comme travail, non ? C'est un peu ingrat, non ? Ah oui, puis là, du coup, il a dû être obligé d'arrêter de travailler, non ? Comment ça, non ? Ça fait plus de 30 ans qu'il est parti à la retraite. D'accord, il a arrêté tôt. Ça lui plaisait plus, la mine ? Il a pu subvenir aux besoins de la famille avec quoi, alors, du coup ? Avec sa petite retraite, quoi. Puis il y a un moment qu'elle continue à travailler. Ah, papa fait le pacha, alors. Oui, enfin bon, il a une grave tumeur au cerveau, puis il est en phase terminale. Ah bon ? Bon, ben ça va, alors. Comment ça se fait ? Ben, c'est bientôt fini, il sort quand ? Non. Donc, je vous dis qu'il est en phase terminale, ça veut dire que... Oui, monsieur, je suis médecin, ça veut dire que la maladie est dans sa phase terminale et qu'il est bientôt guéri. Non, c'est le contraire, c'est le patient qui est en phase terminale. Oui, je sais, mais comme ça marche dans les deux sens et comme vous n'avez pas précisé, ça portait à confusion. Donc du coup, oui. Et ben là, c'est pas gagné du fait donc, que cette phase terminale, hein, je le rappelle pour nos auditeurs, signifie que c'est malheureusement la fin pour le patient. Écoutez, 87 ans, hein, je serais tenté de vous dire qu'avec ce métier, en plus, il a eu de la chance parce que beaucoup de mineurs ont développé des pathologies pulmonaires, par exemple, terribles et très, très, très graves. Mais ça aurait pu être pire. Hein. Il aurait pu, par exemple, ne plus pouvoir respirer. Et oui, et c'est important de respirer. Oh oui. Oui, mais il respire de plus en plus mal depuis 2 mois. Il n'en peut plus, il y a ma mère non plus, moi, enfin, mes frères. D'accord. Et il y a mon père qui nous a demandé de le laisser partir. Oui, mais c'est la morphine, ça. Il doit avoir l'impression qu'il peut rentrer chez lui, quoi. Non, il veut partir. Il veut mourir. Pourquoi ? Parce que mon père a décidé de rester maître de sa vie. Enfin, de son destin. Il veut en finir. Bah, ouais, mais c'est interdit. Ouais, mais il y a des lois qui permettent d'abréger les souffrances. Oui, la loi des hommes, oui. Oui, ça s'appelle l'euthanasie, ça se fait tous les jours. Hein, mais le médecin, il veut pas. Il dit que ça lui fait prendre un risque. Ouais, bah oui, monsieur, hein, ça s'appelle... Le serment d'Hippocrate, protéger et servir. Hein. Ouais, mais là, c'est de la torture pour lui, il souffre. Hein. Oui, je sens beaucoup de colère en vous, Jean-Marc. Mais évidemment, évidemment que je suis en colère. Il y a mon père qui agonise, il réclame de l'aide. On est sans solution à cause d'un putain de médecin là, qui veut rien entendre. Est-ce que... Alors, attendez, on se calme. Est-ce que cette volonté de mourir de votre père ne cacherait pas... Et là, c'est la psychothérapeute qui vous parle. Un gros besoin d'affection. Ouais. Vous lui avez donné suffisamment d'affection de son vivant? De son vrai vivant? Ouais. On est une famille très unie, vous savez, on est très soudés, même si c'est horriblement dur, ça, comme geste. On a la sensation que c'est un geste d'amour. Que c'est un geste D'amour. Oui. Ah oui. Ouais. Et oui, mais vous savez, en médecine aussi, il y a des miracles. Et en supprimant votre père, vous lui supprimez aussi la chance d'en bénéficier. Ne serait-ce qu'une chance sur 1 million. Il n'y a pas droit à cette chance, votre papa? Non, il y a les médecins qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Vous avez déjà eu des cas de gens en phase terminale qui ont une rémission inespérée? Plein. Oui, et n'oubliez pas, Jean-Marc, tant que votre papa n'est pas mort, il n'est pas mort. Bah oui, mais... Jean-Marc, je crois que Jean-Marc devrait faire plus confiance et bien en la vie, hein, tout simplement. Ouais, tu te rends compte, Maga, si on avait le droit de tuer quelqu'un juste... Parce qu'il nous le demande. Oui, voilà. Alors, mon ado broie du noir et veut mourir. Bon, bah, parce que c'est un ado. Et ben alors, tiens, je te tue. Et puis, tant pis si tu regrettes, tu peux pas regretter puisque t'es mort. Et là, c'est la psychothérapeute qui parle. Ouais. En tout cas, nous, on est bien vivants. Et contents de l'être, n'en déplaise à Jean-Marc. Et puis, de toute façon, la mort n'existe pas. Marga, c'est de qui, ça? Liliane Bettencourt. Non. Edith Piaf. Ah oui, d'accord, mais elle est vraiment morte. Oui, mais c'est une image, d'accord. C'est la mort n'existe pas dans le sens où... Ah oui, c'est joli. Oui, c'est joli. Cette émission touche elle aussi à sa fin. Eh bien, merci à Yann Chouquet de l'avoir mise en onde. À demain. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.